Chapitre 14. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme qu'une maladie faisait enfler se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda au maître de la loi et aux pharisiens, « Notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Mais ils ne voulurent pas répondre. Jésus prit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en retirer aussitôt, même le jour du sabbat ?» Ils furent incapables de lui répondre à ce sujet. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il dit alors à tous cette parabole, « Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'un personnage plus important que toi ait été invité, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre vienne et te dise, « Laisse-lui cette place. » Tu devrais alors, tout honteux, aller t'asseoir à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, « Mon ami, viens plus haut, à une meilleure place. » Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés à la vie. » Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. » Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne mangera de mon repas. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Celui qui vient à moi ne peut pas être mon disciple s'il ne hait pas, en quelque sorte, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord et calcule combien cela coûtera, afin de voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations et ne peut ensuite achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui en disant, « Cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. « Ainsi donc, » ajouta Jésus, « aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre? Il n'est alors bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. »